Dorégo. Are you ready? Versus Rumble Morne. First round, yo. Sonne ta cloche, que je m'applique avec ma touch. Nordic, ouais, une technique sadique, tactique. Des bois fonçons, mon nom blanche. Je tranche, je tranche le ventre, je sais pour chier dedans. Franchement, pensais-tu vraiment que t'allais me piler? Tu l'es fendu de me chier dessus. Ouais, je t'abatte la queue, toi pis tes techs de warlock. Tu le prends pour le top, tu le dis, te rendre au top. So come on man, don't make me pop you. Snap you, so fuck you. T'es dans le trou jusqu'au trou, bourré de coups à coups de poing. Batman, de toi, je me débarrasse sans laisser trace. T'es trop n'est pas une vraie pétasse. Mais que je t'éclate ta face de rap. Si que j'efface ta race de wack, comme si je te pige d'une blague au l'infini. T'es fini, pis j'ai conquis ton esprit. Fait que j'ai pris ta soulmate, ta seed fake. Ouais, à moi, dis que tu baises man. Bit, motherfuck, nut. Tes paroles décollent de ton sac de colle. Crise de gelée, touche au même pis moi, gelée. Rime original, pas touche, mon cartouche de balle. Mon gun à ta bouche, scandale. Des charges finales, 10 heures plus tard, t'es dans le journal. Au front page de Montréal. Profites-en, 15 minutes of fame. Never the same when you hack without your brain. Wanted to play the game, but damn. This is the big league, not for you. We dig deep, 6 feet, rest in peace. Peace, that of bees, bees, wish to bees. Des massifs, je divise, à part du fragile. J'suis le début de mes origos. T'es comme le gaz, pis c'est beau. J'te crisse un peu pour le show. Les juges faux, les rendre heureux. So, wow, wow, wow. Eux autres, y'aiment le fuck, y'aiment le sang, y'aiment les tops. T'es truand, l'époque, t'es combat œil pour œil. En pour dents, pour sang. Commence à faire ton deuil, mon sacrement. T'as plus de souffle, j'te coupe le vent, p'tit fendant. So, ouais, j'me rime, j'suis prêt à tuer, gâcher, c'est toi. Est-ce borné, la baisse pour toi, y'aurait de mieux d'être borné. Faut le réaliser que t'es pas fait pour le métier. Mais qu'est-ce que t'attends pour te réveiller? Faut d'après moi te faire abaisser, te faire bander. C'est pourquoi je te décris en tête de gaz. Le vie t'as pas le temps de foutre quand le speaking. J'ai déjà recommencé à job sur toi. Suivi d'une drôle qui te débauche. Gauche qui te met prête, j'ai même pas mis la sauce. Si tu te retrouves en miette, t'as pas coche, casse la bête. Puis je répète, jusqu'à temps que tu sois, fais ce que tu préfères. Je te lâche pas, le big fuck, j'aime ça, j'suis comme ça. J't'aime pas qui fonce, puis qui bronche pas. Arrégo, ya, ya, ya. Yeah, that's right. You're dead now.